Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Léo Miranda. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuses dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette cinquième saison, le podcast est encore et toujours soutenu par la NEF. La NEF, c'est une coopérative bancaire éthique qui existe depuis 35 ans. Concrètement, ça veut dire qu'elle collecte de l'épargne auprès des particuliers. Grâce à cette collecte, elle veut financer des projets écologiques, sociaux et culturels. C'est carrément la banque des 2030 glorieuses. Elle est coopérative parce qu'elle appartient à ses 47 000 plus sociétaires et favorise leur implication. Elle est éthique parce qu'elle met en avant le circuit court de l'argent et qu'elle est le seul établissement bancaire à publier l'intégralité des prêts qu'elle réalise et qu'elle ne finance que des projets engagés. D'ailleurs, elle me permet d'interviewer des gens et qui font vraiment, selon moi, les abondances des 2030 glorieuse. Aujourd'hui, on lance une série d'été sur la thématique du pouvoir de l'argent. Et moi, je donne la parole à Léo Miranda, qui est directeur marketing à la NEF. Ensemble, nous allons parler du rôle d'une banque qui construit les 2030 glorieuses, ses évolutions des dernières années, tant sur le fond que sur la forme, mais aussi de transparence, d'humilité, d'ambition. Ça fait du pain sur la planche. Léo, je te donne la parole en te posant la première question que je pose à tous mes invités. Tu es dans un événement où tu rencontres des inconnus. La question fatidique arrive. Toi, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Qu'est-ce que je réponds à ces gens-là? En règle générale, je commence par expliquer, par défaire une apparente oxymore. Puisque je dis que je travaille dans une banque éthique. Donc en général, la discussion part quand même pas mal autour de ce sujet-là. Bon, une banque peut être éthique, puisque la compréhension générale du public, notamment français, est plutôt que la finance qui agit pour le bien commun, c'est pas forcément ce qu'ils peuvent constater au quotidien. Donc j'essaie d'abord d'expliquer ce qu'est une banque éthique, quels sont ses grands piliers fondamentaux. Tu en as cité pas mal, hein, l'idée d'être coopératif et de travailler plus pour le collectif que pour des actionnaires, donc d'être vraiment dans cette logique-là, de favoriser un circuit court de l'argent, de favoriser la transparence et de rappeler qu'effectivement, encore en 2024, il n'y a qu'un seul établissement bancaire français qui publie la liste complète de tous ses financements, alors que sans doute ça devrait être un devoir, ça devrait être imposé, je pense en tout cas par la loi, de donner les clés aux épargnants pour savoir à quoi a servi leur argent, ça devrait être un minimum. Et également, effectivement, une banque qui est engagée dans le financement exclusif de projets à impact. Ça, tu l'as déjà bien partagé. Une fois que j'ai réussi à dénouer cette apparente contradiction entre banque et éthique, j'en viens un petit peu à ce que je fais précisément auprès de la NEF. Moi, je travaille sur le marketing et l'innovation. Et j'ai l'habitude de dire que j'ai la lourde tâche d'accompagner mon équipe pour créer, développer et lancer de nouveaux produits et services et en même temps de convaincre un maximum de projets et de citoyens de rejoindre la NEF. C'est un peu autour de ça que ça va s'organiser mes missions en interne. Pourquoi je dis que c'est une lourde tâche? Parce que pour un établissement comme la Nef, après tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'ensemble des promesses qu'on diffuse, y a énormément d'attentes. C'est un peu le pendant d'avoir des engagements extrêmement forts. Et il y a une recherche de sens un petit peu à tous les niveaux. Il y a beaucoup d'exigences de la part de nos sociétaires, de nos clients, de notre environnement, pour que déjà on soit innovant socialement, écologiquement, donc on propose quand même des choses nouvelles assez régulièrement, mais de pas faire des choses n'importe comment, qu'à chaque fois il y ait ce supplément d'âme dans la gamme de produits et services qu'on va pouvoir proposer, qui permettent de bien reconnaître la coloration Nef, c'est-à-dire l'envie de transformer le monde de la finance en le rendant plus éthique, plus solidaire, plus écologique. Je dis aussi que c'est une lourde tâche. Là, c'est plutôt lié au contexte. Je compléterai par ça, parce qu'on va être bientôt indépendant. Ça, c'est un des gros projets qu'on a depuis un moment. C'est un moment qui est assez historique puisque peu de gens le savent, mais en réalité, des banques complètement indépendantes en France, il y en a pas beaucoup. Il y en a, se compte sur les doigts de deux mains, une dizaine, quinzaine de banques indépendantes en France. Et c'est assez compliqué finalement de devenir complètement indépendant pour avoir complètement les clés et la liberté de pouvoir développer ce qu'on souhaite. Et le fait qu'on devienne indépendant, ça va ouvrir la possibilité de développer tout un tas de produits et de services qui nous manquaient cruellement à notre gamme. Je pense au compte, notamment le compte courant dont on me parle depuis que j'ai débuté à la Nef, hein, donc depuis 15 ans, mais aussi d'autres produits d'épargne, intervenir un peu plus activement sur tout ce qui est rénovation énergétique de l'habitat. Il y a beaucoup d'enjeux écologiques autour de ça, l'habitat partagé, l'habitat participatif également. Et donc voilà, la tâche devient encore plus lourde dans ce contexte, mais je le vois de manière très positive, je te rassure, du fait que les attentes sont encore plus fortes, du fait que maintenant on n'a plus de problématiques d'adossement. C'était le contexte dans lequel on était depuis maintenant 40 ans. La Nef est une banque libre, en tout cas dans quelques jours elle va être complètement libre, et donc les attentes vont être forcément beaucoup plus importante. Bon, moi, la tâche, elle est lourde parce que je me rends compte que effectivement, j'ai un excellent communicant face à moi, et donc il va falloir que j'arrive à te poser mes questions quand même, Léo. Et à la fois ton déroulé de pensée était tout à fait fluide et présente bien en plus les enjeux de la Nef à court terme. Tu nous annonces plein de choses, donc c'est chouette. Bravo pour tout ça. Moi, j'aimerais bien quand même qu'on reste un tout petit peu sur toi, Léo. Tu es directeur marketing. Dans ma tête, directeur marketing, il y a une alarme rouge qui tourne et qui dit « Oh là là, attention, ce mec est parti pour te vendre du bullshit », alors qu'en fait, ça veut pas... Enfin, ça peut tout et rien dire d'être directeur marketing. Là, en l'occurrence, c'est pour la Nef. Mais si on avait le droit quand même de sortir de ce jargon et de ces mots anglais, comment toi, tu réintitulerais ton métier et à quoi tu sers concrètement à la Nef, si je peux le dire autrement? C'est assez difficile... C'est assez difficile de répondre à cette question. Enfin, j'aurais deux niveaux de réponse. La première chose, c'est que peut-être que le mot marketing, je l'aime pas non plus, parce qu'il renvoie à un certain nombre de choses, mais je trouve pas d'équivalent français pour parler de ce beau métier, en fait, parce que pour moi, c'est un terme qui est galvaudé, mais on n'est pas obligé de faire du marketing en essayant forcément de vendre des choses dont les gens n'ont pas besoin, et en vendant aussi des produits qui ont des impacts climatiques ou sociaux désastreux. On peut aussi faire du marketing pour le bien. Mais bon, au-delà de ça, moi, si je résume mon activité, et je pense que ça peut se résumer comme ça aussi pour pas mal de mes collègues, donc c'est pas forcément lié précisément à ma fonction, mais plutôt à mon rôle de salarié au sein d'une structure comme la Nef. Pour moi, je suis quelqu'un qui donne de l'espoir, humblement, mais c'est vraiment ça pour moi mon enjeu chaque matin, c'est de dire en fait, une autre banque, une autre manière de faire de la finance, C'est pas une utopie en fait, c'est pas réservé aux plus fortunés, c'est pas une petite association dans un coin qui bricole et qui, voilà, tant bien que mal, essaye d'émerger ou de faire de la finance différemment. Non, on est une vraie alternative crédible qui chaque jour prouve que c'est possible de faire de la finance autrement. Et ça, je trouve que c'est porteur d'énormément d'espoir de se rendre compte que les projets alternatifs ne sont pas cantonnés à faire joli et qu'il y a des vraies réussites entrepreneuriales sans perdre ses valeurs. Ça aussi, je trouve que c'est vraiment, vraiment important, le fait qu'on ait grandi, qu'on se soit consolidé, qu'on s'assoie, je ne vais pas dire à la table des plus grands, mais qu'en tout cas, maintenant, on commence à peser en tant qu'acteur de référence sur les questions du financement au sens large et en particulier du financement éthique. Bah, ça donne beaucoup d'espoir finalement à tout un tas de personnes. Donc, si je devais le résumer, mon métier, je dirais que mon métier chaque jour, c'est de donner espoir à un maximum de personnes. Moi, je me posais la question de savoir si je t'intronisais pas un peu porte-voix de la nef et tout ça. Parce qu'en fait, c'est un peu lié quand même à des métiers de communication et à la fois, bah, tu vends, mais en fait, plus que vendre, tu racontes quelque chose, tu vois, tu développes, tu déploies un message. Et c'est pour ça que je suis particulièrement en ce moment content de te donner la parole. Tu vas voir où je veux en venir dans un instant. C'est une longue série d'été, donc on va avoir différents intervenants, notamment Alexandre d'Oxfam, qui va nous raconter, le pouvoir de l'argent, ses incidences négatives, notamment du côté des grandes banques. Et donc, on va pas trop s'attarder là-dessus. Mais si tu avais un élément qui, toi, te révulse, qui te révolte, le fait, le chiffre qui montre à quel point les grandes banques, par leurs pratiques, sont nocives pour la planète, ce serait lequel? Je dirais, enfin, il y a pas mal de choix. En fait, c'est dur de choisir parmi tous les aspects. Moi, ce qui me révulse peut-être le plus, bizarrement, alors bien sûr, il y a toutes les questions d'impact carbone et de tous les projets, les scandales en fait qu'on retrouve. On retrouve tout un tas de banques engagées dans des projets, soit qui respectent pas les droits humains, soit qui font de l'extraction pétrolière à outrance alors qu'on a signé les accords de Paris. Mais j'irai pas trop là-dessus. Moi, ce qui me révolte, c'est que en réalité depuis 40 ans, 50 ans, on a poussé en France et en Europe à ce qu'il y ait des énormes groupes bancaires. On a créé quasiment des situations d'oligopole, de monopole, et que l'impression que ça me donne, c'est que c'est un peu incontrôlable. On se retrouve avec des groupes qui sont de taille mondiale et en fait on peut les contraindre à peu près rien. Parce qu'ils sont des énormes multinationales, notamment les groupes français, et surtout, on est obligé en tant que citoyen de les sauver en cas de crise, quand ils font n'importe quoi, puisqu'ils sont systémiques. Ça veut dire que à eux seuls, un gros établissement bancaire français peut faire s'effondrer le système financier européen, voire mondial. Et ça, c'est quelque chose qui me révolte en fait, c'est de se dire que en réalité, ça bafoue d'une certaine manière les démocraties dans lesquelles on vit, puisqu'on a vraiment des énormes acteurs qui peuvent peser plus que des États, alors même qu'on est dans des pays qui sont censés être des pays démocratiques. Et ça, c'est quelque chose qui me révolte pas mal. Et je suis très content que la nef aille à contre-courant de ça, notamment avec son projet d'indépendance, pour montrer qu'en fait, non, il faut revenir à des établissements bancaires plus petits, plus contrôlables par la population et par les pouvoirs publics, là où c'est absolument pas le cas aujourd'hui. Et vient la question forcément de comment on fait. Donc là, tu as parlé pas mal d'administratif, de technique, tu as parlé de l'indépendance, tu as parlé de la transparence. On a évoqué très rapidement, on reviendra sur cette notion de commun, de coopérative, de modèle économique qui montre qu'il y a des alternatives par les gens, pour les gens, qui existent là où d'habitude, tu le dis très bien, les institutions bancaires sont des monolithes très pyramidales. J'aimerais bien moi te questionner sur la part de récits et d'imaginaires qui tournent autour des banques et des grandes banques notamment, puisque quand on voit passer la communication des grandes banques, tout est émotion, tu vois, elles se donnent une image cool, dynamique. La Société Générale s'appelle maintenant SG. On voit des jeunes, on voit des vieux, on voit des enfants, des arbres et tout le tralala. Il y a très, très, très, très peu de chiffres qui sont mis en avant. On est vraiment sur une communication de l'émotif, de l'irrationalité. Là où j'ai l'impression que la nef, ces dernières années, ces dernières décennies, au contraire, essayait de faire le combat de la rationalité, d'apporter des faits, de mettre en avant des emprunteurs, de donner des chiffres sur son impact, ses impacts positifs. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour cette opposition irrationalité-rationalité? Et si oui, comment tu la lis? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que, alors, je dis pas que c'est quelque chose de conscient qu'on ait fait ça, mais je pense qu'on était à un moment de notre histoire où on avait besoin de prouver, en fait, de prouver au marché qu'on était sérieux, qu'on avait un impact. Et donc, la tendance peut être à essayer de donner beaucoup de chiffres, de convaincre du fait qu'on peut jouer, on peut se battre, en fait, sur le même marché que d'autres acteurs bancaires. Donc, c'est peut-être une forme de complexe d'infériorité, je pourrais l'appeler comme ça, où on essayait à tout prix de pouvoir convaincre et on s'autorisait pas à être dans une forme de communication peut-être un peu plus émotionnelle, même si présenter les porteurs de projets paraît être quand même toujours une bonne illustration finalement de ce qu'on fait, sans parler de chiffres, quoi. Mais effectivement, je pense que tu as raison, on a été pas mal guidé par cette idée d'émerger, en fait, d'émerger dans le marché de la finance et pas uniquement dans le marché des alternatives, si on peut appeler ça un marché, en tout cas dans le secteur des alternatives. On avait vraiment cette vocation à vouloir s'asseoir à la table des plus grands, et je pense que ça nous a amené aussi dans notre communication à dire on se compare. Tu parlais de l'impact carbone, on se compare à des grands acteurs bancaires. On disons, l'impact carbone d'un tel, c'est tant, le nôtre, c'est ça, la taille, combien de financements on a pu octroyer à des entreprises à impact versus d'autres acteurs. Et je pense que c'est le moment maintenant qu'on est indépendant, maintenant qu'on pèse suffisamment lourd pour être visible et pour avoir un impact qui commence à se voir, de peut-être aller sur autre chose en matière de communication et d'être moins omnibulé par les chiffres, comme tu le faisais remarquer assez justement. On a dans le secteur, on va le dire, des 2030 glorieuses, une structure comme Biocoop qui, ces dernières années, il me semble que ça date de l'année dernière, mais je me trompe peut-être, avec tout ce qu'on sait en plus du milieu de la bio qui est très tendu, a décidé d'entrer en confrontation ouverte, de pointer les incohérences des grands supermarchés et de faire vraiment du frontal. L'année dernière, vous avez décidé au contraire de mettre de la désirabilité dans votre communication avec le mouvement de la Big Bank. Avec le jeu de mots qu'on comprend, en jouant peut-être un peu l'effet David contre Goliath, mais en montrant à quel point quand on est unis, on fait masse et on peut peser. Est-ce que là encore, c'est quelque chose qui est calculé? Et si on doit se projeter là, après, comme tu le disais, cette étape qui est majeure de votre libération, je ne sais pas comment le dire, mais est-ce que vous avez déjà un peu une idée des envies pour assumer encore plus profondément votre message? Est-ce que vous allez peut-être vous aussi aller un peu du côté de l'irrationalité de la communication pour vendre un état d'esprit, pour vendre des valeurs plutôt que des produits très concrets, parce que forcément vous allez avoir des comptes courants pour les particuliers, tout un tas d'offres qui en fait vont pas attirer les foules si elles sont juste proposer de manière neutre, lisse, plate, on est d'accord? Tout à fait. Moi, je pense qu'on va aller un peu plus sur l'irrationalité, sur l'émotionnel dans les années à venir, maintenant qu'on est libéré d'un poids, en fait. C'était un poids de la contrainte réglementaire, du fait d'être quand même toujours un peu surveillé par d'autres établissements un petit peu plus grands que nous, voire beaucoup plus grands que nous. On va pouvoir se libérer de ça et d'aller plus sur les choses qui nous touchent au cœur, je dirais. Donc vraiment mettre en avant ce qu'on a toujours vécu, en tout cas en interne, même si on ne le communiquait pas forcément tout le temps de cette manière-là, mais qui sont nos quatre points cardinaux, hein, le financement de projets à impact, la transparence, les valeurs coopératives, la non-spéculation, pour prendre vraiment ces grands aspects et vraiment filer un discours autour de ça plus que sur des chiffres ou sur des caractéristiques produits. Finalement, c'est pas vraiment non plus ce que les gens viennent chercher à la nef. Ils viennent pas chercher des caractéristiques d'un livret ou une rémunération. Ils viennent chercher de l'espoir. J'en parlais tout à l'heure. L'espoir que c'est possible de faire de la finance autrement et d'y participer en tant que citoyen. Et l'espoir que qu'on puisse ne pas être résigné à un effondrement écologique ou à une rupture du contrat social dans tout un tas de pans de la société et que finalement la banque peut aider à avancer là-dessus. Ça, c'est le premier point. Pour autant, je crois pas qu'il soit nécessaire, d'autant plus avec cette libération, qu'on reste focalisé sur une présentation de la nef en opposition au reste du secteur bancaire. Tu parlais d'Alexandre Poidas d'Oxfam, mais je pense aussi à Reclaim Finance, aux Amis de la Terre. Je crois que ces acteurs-là sont bien à leur place pour pouvoir dénoncer un certain nombre d'agissements et de manière très ciblée du secteur bancaire. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, on va pouvoir s'en libérer en fait de ça. Plutôt de revenir sur qu'est-ce qu'on fait de positif. Encore une fois, humblement, on n'a pas vocation à remplacer tous les établissements bancaires, quoique, en tout cas dans les pratiques. Mais plutôt, voilà, partir sur une communication peut-être plus positive et montrer ce que concrètement on essaye de faire au quotidien pour changer la vie des citoyens qui veulent rentrer en transition. Oui, tu parlais des valeurs cardinales défendues par l'ANF. En général, dans les banques, pour les personnes qui les connaissent, ça reste assez rare, mais quand on parle de banques qui sont vertueuses, on a le crédit coopératif qui revient assez souvent. Et eux, c'est vrai que je me rappelle d'autant plus de leur message qu'il était inspiré directement du « ça commence par moi » parce qu'ils utilisent beaucoup le « ça commence par nous », le côté collectif, la possibilité d'incarner, de redonner aux citoyens la possibilité d'agir. Vous, j'ai l'impression que vous avez pour vous la simplicité, le lien direct avec les projets. J'ai l'impression qu'en fait, vous arrivez à garder ça. Peut-être que pour l'instant, c'était un peu de manière obligatoire, subie, je sais pas, mais en tout cas, sur laquelle vous aviez pas vraiment un gros pouvoir de décision, d'être resté à taille humaine. Est-ce que c'est pas finalement ça qui resterait votre valeur clé et ce qui ferait la différence avec tout le reste du milieu bancaire? Ça, c'est une vraie question, hein, parce qu'on le sait que toute organisation, il y a le risque d'un point de bascule à trop grandir et donc à perdre un petit peu ses racines, ses attaches. Pour l'instant, ça tient. Et effectivement, la nef, c'est 40 ans d'histoire. Les valeurs cardinales dont je parlais à l'instant, elles sont très puissantes parce qu'en fait, elles sont écrite dans les premiers récits sur la nef, hein, dans la charte de la nef, on a déjà ces éléments-là. Il y a toujours ce questionnement de quelle est la taille critique pour garder justement cette capacité à pouvoir faire vivre en premier lieu ces valeurs avant d'être un projet d'entreprise comme un autre. Donc ça, c'est oui, c'est un fort enjeu. Moi, je dirais que pour le coup, il y a une des valeurs qui est selon moi un garde-fou, c'est la coopérative. Et je pense que ça, c'est un excellent choix qui a été fait au moment de la création de la nef pour porter le projet, parce que déjà la première chose, c'est que la nef, c'est une épopée en fait. On est vraiment engagé dans un projet depuis 40 ans, on n'a toujours pas de compte courant pour les particuliers, on n'a toujours pas de carte pour les professionnels, mais ça va bientôt arriver. On sent que voilà, il y a une histoire avec plein de rebondissements, on a été en difficulté plein de fois dans notre vie, mais à chaque fois on a gardé le cap sur les valeurs. Et à chaque fois, on a été porté par la base, en fait, par la base de sociétaires qui nous ont aidés systématiquement à garder la tête hors de l'eau et à continuer à nous développer. Et ça, je pense que c'est une force considérable qui porte un peu notre modèle d'entreprise et qui est finalement un peu un contre-modèle de la Startup Nation. Je peux faire un petit... couplé là-dessus, mais nous on est plus sur la patience, sur les choix des valeurs plutôt que des arguments marketing court-termistes. Personne ne vient chez nous pour recevoir des dividendes. En fait, on est là vraiment pour porter le projet. Et je crois que ça, c'est un garde-fou. C'est un garde-fou parce que les gens ils viennent de manière complètement désintéressée en fait. Ouais, tu sais que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps Julien Leroux qui est le fondateur des cycles Victoire et Distance Bike à Clermont-Ferrand. Donc il est fabricant de vélos, fabricant de cycles comme il se décrit lui-même. Et on parlait de la nef et il me dit mais tu te rends compte quand même qu'il y a eu un banquier itinérant qui est venu me voir dans notre atelier, qui m'a posé des questions, qui s'est intéressé à ce qu'on faisait. Enfin, il me dit, mais moi, j'étais créateur d'entreprise, c'était quasiment impossible pour moi d'arriver à avoir des banquiers qui me donnent un rendez-vous dans leurs locaux. Et là, tu as une banque où on te dit, oui, il n'y a pas de problème, on vient te voir chez toi pour voir comment on peut se mettre à ton service. Et je pense vraiment que cette proximité, cette capacité à réussir à sortir de l'obligation de faire du chiffre à tout prix, c'est justement cette notion de banque à taille humaine. Et pour moi, vraiment, l'idée de simplicité, c'est une énorme plus-value et je le ressens ça personnellement, mais aussi je l'entends souvent autour de moi, de gens qui veulent maintenant, que ce soit avec leur établissement bancaire ou l'épicerie ou en fait tous les lieux dans lesquels on effectue nos achats du quotidien et on répond à nos besoins de base, bah qu'on ait un vrai lien humain et qu'on se sente pas être un numéro comme un autre pressé pour générer un flux et du bénéfice. Et ça vraiment je pense que c'est l'enjeu, et à la fois de réussir à communiquer, mais comme tu le dis aussi, à la fois de presque avoir la chance de pas grossir trop vite pour garder ça, parce que sinon ça vient rompre un peu ce qui est fait à mon sens la plus-value de la nef. C'est une très bonne illustration d'un des enjeux que moi je vois pour le développement de la nef dans les futures années. Comment on va réussir à négocier l'attente de proximité de la part de nos clients. On reste quand même une banque un peu en ligne pour les particuliers. Pour les entreprises, on a eu cette formidable idée de créer un métier de banquier itinérant. C'est-à-dire qu'on a retourné concrètement une contrainte en opportunité. On n'avait pas les moyens de faire des agences bancaires partout en France. Donc, on s'est dit, on va se déplacer en fait en vélo, en train ou en voiture hybride pour aller rencontrer nos clients directement sur leur lieu de travail. En plus, ça permettra de nouer des relations. Mais c'est vrai qu'il y a un enjeu, je trouve, assez fort à se dire comment on va réussir à cultiver ce rapport au territoire qui est hyper important et qui est assez intimement lié à notre histoire. Chacun des sociétaires qui s'est engagé dans la vie de la nef était lui-même impliqué de manière territoriale, de manière locale, dans tout un tas d'initiatives. Et comment nous, on arrive en grandissant, en restant quand même un peu distant dans l'offre de produits et services qu'on va proposer, à recréer de la proximité sur les territoires. Ça, je pense que c'est un des plus gros enjeux de la nef dans les prochaines années. Eh ben allez, ça tombe bien, on va en parler très bientôt puisqu'on sera tout à l'heure ensemble en 2030 glorieuse, donc on aura peut-être un élément de réponse par rapport à cet enjeu. En attendant, l'invité nous fait toujours une petite coupure, une respiration comme j'aime à l'appeler, à travers la lecture d'un passage, d'un essai ou d'un roman idéalement qui réserve, révèle selon lui des valeurs qu'il a envie de se voir se déployer en 2030 glorieuse. Toi Léo, qu'est-ce que tu vas nous lire? Alors moi j'ai choisi un passage des utopies concrètes sur le travail, parce que c'est un des grands sujets sur lesquels je réfléchis, mais qui, on va le voir, est assez lié finalement à la thématique d'aujourd'hui, notamment de transition. Et c'est un passage dans un paragraphe un peu plus, enfin dans un chapitre un peu plus grand autour de la réduction du temps de travail et de tout ce que ça pourrait apporter. La solution a presque tout. Un ami m'a récemment demandé « Qu'est-ce que ça résout de travailler moins ?» J'aurais envie d'inverser la question. Y a-t-il quelque chose que le fait de travailler moins ne résout pas ? Le stress ? D'innombrables études ont montré que les gens qui travaillent moins sont plus satisfaits de leur vie. Dans un sondage récent réalisé auprès de femmes qui travaillent, des chercheurs allemands ont même quantifié la journée parfaite. Le plus grand nombre de minutes irait aux relations intimes. Vie sociale, détente et repas obtenaient aussi des scores élevés. S'occuper des enfants, travail et déplacement étaient en bas de la liste. Les chercheurs remarquaient sèchement que pour maximiser le bien-être, il est probable que le travail et la consommation doivent jouer un rôle moindre que ce n'est le cas aujourd'hui dans les activités quotidiennes. Le changement climatique. Une réduction du temps de travail au niveau mondial pourrait faire diminuer de moitié la quantité de CO2 émise au XXIe siècle. Les pays où la semaine de travail est la plus courte ont aussi une empreinte écologique plus légère. Pour consommer moins, il faut commencer par travailler moins, ou mieux encore, par consommer notre prospérité sous forme de loisirs. Les accidents. Les heures supplémentaires sont mortelles. De longues journées de travail conduisent à davantage d'erreurs. Un chirurgien fatigué commet plus facilement des maladresses. Un soldat qui ferme trop rarement l'œil est plus enclin à manquer sa cible. De Tchernobyl à la navette spatiale Challenger, il s'avère souvent que les cadres surmenés ont joué un rôle déterminant dans ces désastres. Ce n'est pas une coïncidence si le secteur financier qui a déclenché la plus grande catastrophe de la dernière décennie croule sous les heures supplémentaires. Le chômage, à l'évidence, on ne peut se contenter de découper un emploi en morceaux. Le marché du travail n'est pas un jeu de chaises musicales où n'importe qui peut occuper n'importe quel siège et où il n'y a qu'à distribuer les places. Mais des chercheurs de l'Organisation internationale du travail ont démontré que le partage du travail, deux employés à mi-temps se partageant une charge de travail traditionnellement assignée à un employé à plein temps, avait contribué pour une part considérable à résoudre la dernière crise. C'est particulièrement en temps de récession, avec un chômage atteignant des pics et une production dépassant la demande, que le partage de l'emploi peut aider à atténuer le choc. Le vieillissement de la population. Une part croissante de la population âgée souhaite continuer à travailler après l'âge de la retraite. Mais alors que les trentenaires croulent sous le travail, les responsabilités familiales et les emprunts, les seniors ont du mal à se faire engager, même si le travail est excellent pour la santé. Outre le fait de répartir les emplois plus équitablement entre les sexes, il nous faut donc aussi les partager par-delà les générations. Les jeunes actifs qui arrivent tout juste sur le marché du travail pourraient continuer à travailler jusqu'à 80 ans, et plus, en échange, ils feraient non plus 40, mais 30 ou même 20 heures par semaine. Au XXe siècle, nous avons eu la redistribution des richesses, observe un important démographe. Au siècle qui est le nôtre, la grande redistribution concernera les heures de travail. Merci Léo pour cette lecture. On essayait en 2030 glorieuse, tu l'as peut-être senti, cette petite vibration sous ton siège qui indique qu'on est en 2030 glorieuse. Les 2030 glorieuses, elles nous appartiennent qu'à nous deux, puisque en fait, ça va être un jeu de la conversation, de l'imaginaire qui va nous permettre de les faire exister. Les personnes qui sont là, de l'autre côté, de leur enceinte, de leurs écouteurs, elles nous écoutent depuis les 2024 et l'époque n'était pas joyeuse. Et donc, on va avoir besoin de leur donner de la couleur, de l'énergie, de l'enthousiasme, d'avoir cette conversation la plus solaire possible pour leur retransmettre ce que ça donne, un monde où on a gagné. C'est pas tout est résolu, tout est réglé, bien sûr, mais on sent qu'on est enfin à la hauteur des enjeux de notre siècle. On va en parler au présent de ces 2030 glorieuses, Léo. Et la première question que je te pose, c'est depuis, je sais pas, ton bureau, ta chambre, ton salon, l'endroit où tu es là actuellement, tu regardes par la fenêtre et tu vois quoi, toi, en 2030 glorieuse ? En 2030 glorieuse, depuis la fenêtre de mon appartement, pourquoi pas, je vois déjà en pleine journée pas mal de gens dans la rue. Et ça, pour moi, c'est le signe, pour rebondir un peu sur cette question du travail, qu'on a réussi à construire une société dans laquelle il y a un plus fort équilibre entre nos différentes activités et qu'on a tout un tas de personnes qui sont dans la rue en pleine journée parce qu'en fait elles font que 25 heures de travail par semaine et donc elles polluent moins, elles passent plus de temps avec leurs enfants, plus de temps à faire du loisir et elles sont globalement plus heureuses, plus épanouies. C'est là. Première chose, moi, que je verrais en regardant par la fenêtre. Vu que j'habite en ville, je vois aussi par la fenêtre une rénovation urbaine qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait vécu jusqu'en 2024, hein, et même les années qui ont suivi, avec des villes beaucoup plus calmes, beaucoup plus silencieuses, à part le bruit des enfants et des personnes qui sont là toute la journée, mais beaucoup moins de moteurs, et des villes résolument vertes, où on a replanté des arbres, on a des parcs à perte de vue, on n'a pas remis des immeubles là où il y en avait pour favoriser la spéculation immobilière. Non, on a des villes beaucoup plus agréables, beaucoup plus respirables et surtout beaucoup plus calmes et apaisées. On parlait justement du pouvoir de l'argent il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, redonner du sens à son argent, c'est devenu une évidence. L'argent, il sert à recréer du lien entre les êtres humains, plus à dominer, plus à accumuler. Le changement, il s'est fait radicalement. Le changement s'est fait radicalement sur les questions d'argent. Il s'est fait, je me souviens, hein, entre 2024 et 2030, les banques ont commencé à se rendre compte qu'en réalité, elles n'étaient pas que le reflet de l'économie. Jusque dans les années 2020, c'était un adage très fort dans le monde bancaire qui était de dire moi, je finance des projets. Si l'économie est verte, ma banque est verte. Si l'économie est brune, ma banque est brune. Non, elles ont réussi à transformer la question des responsabilités des acteurs financiers. Et aujourd'hui, elles ont pris leurs responsabilités. Elles savent qu'elles ne sont pas le reflet de l'économie, mais qu'elles déterminent le visage de l'économie. Et ça a été le point de bascule pour que justement l'intégralité de la finance puisse se mettre au service d'une économie plus vertueuse dans le domaine de l'écologie, du social et du champ culturel. Et elles ont compris qu'elles étaient des actrices incontournables, en fait, les banques de cette transformation sociétale, qu'elles ne pouvaient pas être se positionner en tant que suiveuses. Ça a été vraiment un point de bascule. Et à partir de ce point de bascule-là, ce que je vois, moi, en 2030 glorieuse sur le contexte français, c'est qu'on n'a plus que des banques éthiques, puisqu'elles ont vraiment pris conscience de leur rôle et elles ont fait des choix d'investissement très, très forts dans l'idée d'avoir une société plus apaisée, une société plus sobre énergétiquement et qui prend en compte les problématiques sociales. Et la NEF vient de fermer ses portes là l'année dernière, puisque sa mission, son projet de société, qui était donc de de redonner du sens à la finance et de créer un circuit court de l'argent et de porter un certain nombre de valeurs comme la transparence ou la force du collectif, bah, elle a réussi à le finaliser et donc sa mission bien remplie. L'ensemble des banques françaises ont réussi à franchir ce pas. Elle a pu fermer ses portes avec une grande fête, pas plus tard que l'année dernière. Donc là, tu viens de m'annoncer en direct la mort de la nef. Tout à fait. Une mort joyeuse, comme au Mexique. On fait la fête, on célèbre la fin de ce projet. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans l'esprit des fondateurs de la nef, je digresse un peu en faisant un retour arrière, même si on est en 2030. L'idée de la nef, c'est un projet politique. C'est d'essayer de faire prendre conscience aux gens qu'une autre finance est possible, qu'on n'est pas soumis et contraint à devoir accepter de la spéculation à outrance, le fait de ne pas choisir des projets en fonction de leur impact, le fait de ne pas être transparent. Non, que tout ça est possible. Et à partir du moment où ça s'est diffusé dans la société, on n'a plus besoin d'accoler banque et éthique, puisque toutes les banques sont par nature éthiques, et le projet de la nef peut disparaître. Sa vocation n'est pas forcément à tout prix de grandir de manière indéfinie, mais c'est plutôt, je le pense sincèrement, d'arriver à accomplir sa mission. Et accomplir sa mission, c'est d'insuffler dans l'ensemble du secteur financier le fait que oui, on peut faire de la finance éthique. Revenons alors un peu en arrière, si tu le veux bien, Léo, parce que on a eu effectivement il y a une petite dizaine d'années en arrière, hein, le moment où la nef était enfin un organisme financier à part entière, et puis ben du coup de plus en plus de particuliers qui ont rejoint ses rangs. Il y a eu quelques évolutions clés. Tu disais à l'époque un des gros enjeux, c'était de faire en sorte de garder ce lien de proximité, de garder ce côté aussi banque à taille humaine. Comment la nef, elle a réussi justement à incarner cette relation de simplicité, d'évidence avec les particuliers pour qu'ils puissent revivre une relation banque-client comme elle aurait toujours dû exister? On a fait des choses à plusieurs niveaux. Déjà, on s'est toujours engagé à rester dans une forme de sobriété dans l'offre de produits et services. Plus on proposait, on s'est rendu compte que si on voulait proposer tout un tas de produits et services un peu accessoires dans le domaine bancaire, on allait avoir beaucoup de difficultés à gérer nos relations de proximité. Donc, on s'est attaché à proposer l'offre vraiment de base pour l'ensemble de nos clients et sociétaires, et pour pouvoir avoir le maximum de temps, non pas à vendre des produits dont les gens n'ont pas besoin, mais plutôt à consacrer notre énergie à plutôt les rencontrer et aller les rencontrer sur les territoires. Ça, c'est quelque chose de très important qu'on a pu développer et qui est lié à l'expérimentation qu'on avait faite sur le métier de banquier itinérant, qui était réservé traditionnellement plutôt aux entreprises, d'aller visiter les porteurs de projets engagés dans la transition écologique et sociale. Et ben, on a dupliqué ce phénomène-là avec des rendez-vous qui étaient donnés par nos conseillers dans un certain nombre de villes, de villages, de petites villes, pour pouvoir juste partager avec nos clients sur tout un tas de sujets liés à leurs besoins bancaires, mais aussi de sujets plus politiques, plus de transition, d'être vraiment en contact avec ces personnes-là. Et ça nous a été possible parce qu'on est resté sur une gamme de produits et services vraiment très simple, très fonctionnel. Et finalement, quand on s'est rendu compte que quand on allait voir les personnes au niveau local, on parlait très peu de banque, puisqu'en fait tout roulait relativement simplement. Il n'y avait pas forcément de questions par rapport à ça, mais on parlait de comment on allait pouvoir passer la deuxième et la troisième étape de la transition écologique et sociale qui nous a amené en 2030 à cette grande fête de disparition de la nef. Donc les les trains nefs ont été une bonne idée. Hein. Je me rappelle qu'à un moment, vous vous êtes dit, tiens, quel est l'endroit central dans les villes où tout le monde passe à un moment ou à un autre pour que justement, on crée ce lien de proximité avec les gens. Et donc, il y a eu des trains nefs qui ont commencé à circuler. Le lundi, ils étaient à Lyon. Le mardi, ils étaient à Grenoble. Et on avait ces espaces de proximité comme ça, même si c'était une fois dans la semaine, ça a été une bonne idée. Ça a été une très bonne idée, ça nous a permis vraiment de faire des rencontres assez extraordinaires, déjà avec nos clients, de mieux les connaître, mais aussi avec les passants qui se demandaient, qui trouvaient pas ça très très logique, ou en tout cas qui avaient rarement vu un établissement bancaire se déplacer en train et venir les voir, en fait, surtout d'être au plus proche d'eux. Et donc, ça a attiré quand même pas mal de passants qui se sont dit qu'est-ce que c'est que cette histoire, qui est cette entreprise, qui est cette banque qui nous propose de venir discuter avec elle sans nous vendre de produits particuliers, parce que nous, on n'a rien à vendre. Et oui, ça a attiré bien au-delà de nos sociétaires et clients. Ouais, moi je me rappelle, tu sais, quand on a notre relevé annuel envoyé par les banques qui sont très heureuses, en général, elles sont très heureuses de nous mettre en avant les intérêts générés par l'argent épargné en disant cette année vous avez gagné tant. Je me rappelle que le moment où la Nef publiait justement ses relevés et émettait montant des intérêts, montant de l'inflation et égal 0 euros pour le client cette année, c'était un moment un peu fort aussi de se dire qu'en fait vous considériez que l'argent il n'était pas là pour faire de l'argent et que l'épargne des Français elle n'était pas là pour faire des petits, elle forcément suivait l'inflation, mais c'est tout. Tout à fait, on a préféré mettre en place des mécanismes où on invitait nos clients à venir identifier quels étaient les gains générés par leur épargne chaque année, et plutôt que de leur montrer par un relevé de compte, on leur disait les gains c'est tu vois le magasin bio au bout de la rue, d'ailleurs on va aller le visiter ensemble. L'autre gain c'est tu vois cette entreprise de mode éthique qui était en difficulté en début d'année, mais elle a réussi à remonter la pente parce qu'on lui a fait un crédit au bon moment. On a préféré retourner, c'est même pas retourner en fait, on a préféré revenir aux fondamentaux en disant vous êtes épargnant à la Nef, vous allez devenir riche, mais pas financièrement, vous allez devenir riche de toutes les initiatives que vous aurez aidé à créer et à développer. Ouais, c'est fou. Et d'ailleurs, j'adore votre slogan là en 2030 Glorieuse. Avant que vous arrêtiez vos activités, votre slogan c'était l'argent, c'est les gens. Tu te souviens, en 2024, on disait le temps c'est de l'argent. Il y a eu un moment où on avait inversé cette phrase en disant non, en fait, l'argent c'est du temps. Et puis vous, c'est carrément devenu l'argent c'est des gens. Et moi, je trouvais ça hyper fort de montrer qu'en fait, concrètement, derrière l'argent qu'on épargnait, qu'on utilisait, il y avait des gens. Et donc toutes ces randonnées qu'on voyait un peu dans nos villes presque chaque semaine, où les gens ils allaient visiter justement les projets que leur argent permettait de soutenir, de déployer, de territorialiser et de faire changer d'échelle, c'était vraiment cette idée du lien, quoi. Tout à fait, et ça plaisait énormément aussi aux porteurs de projets qui étaient touchés vraiment de pouvoir voir non seulement leur banquier venir en vélo jusqu'à chez eux, vraiment rencontrer les projets, mais aussi de voir tous les épargnants qui ont permis finalement de financer son projet. Ils étaient vraiment très sensibles à ça et très touchés de qu'on puisse créer cette vraie communauté autour de ce bien commun qui est l'argent. Alors, il y a eu un grand plan d'accompagnement pour que toutes les personnes qui travaillaient à la Nef puissent trouver ce qui les attendait après, quand la Nef allait cesser son activité. J'imagine que toi, tu as suivi aussi tout ce parcours avec, avec peur, avec enthousiasme, avec curiosité. Dis-moi un peu où t'en es et c'est quoi la suite pour toi maintenant ? Moi, à titre personnel, et puis après, je pourrais dire aussi au titre de la Nef, oui, il y a eu forcément des inquiétudes, mais déjà, les règles, enfin, les lois qui ont évolué, notamment la réduction du temps de travail à 28, puis à 22 heures par semaine, ont permis de voilà, de faire en sorte que les gens se sont projetés dans l'idée d'avoir plusieurs activités dans leur vie, que ce ne soit pas vraiment tout concentré sur un seul objet qui est le travail, comme ça l'était encore jusqu'en 2024-2025. Donc ça a quand même pas mal rassuré les gens, des avancées sociales hein, qu'on a pu obtenir au niveau législatif. Moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est de poursuivre le combat un peu d'émancipation et l'idée d'avoir une mission de transformer un secteur d'activité au travers d'une dynamique entrepreneuriale coopérative. Et j'ai fait le choix d'aider Télécoop dans un domaine qui est celui de la téléphonie mobile, où là aussi il y a tout un marché à reconstruire et essayer de faire en sorte que dans ce domaine-là, on œuvre pour plus de sobriété, on est aussi une diffusion du statut coopératif, qu'on se désensibilise à la dépendance aux écrans. Il y a tout un tas de domaines, et la mission aussi de Télécoop à un moment donné, c'est d'imposer ou de faire comprendre au marché qu'effectivement c'est la seule voie souhaitable et durable qu'on peut avoir dans le champ de la téléphonie. Donc j'ai voulu recréer un peu la dynamique que j'ai pu avoir avec la NEF pour me mettre au service dans notre secteur d'activité qui lui aussi avait besoin de transformer complètement les usages. Mais je me suis pas arrêté là, puisque effectivement le passage aux 22 heures m'a donné la possibilité d'avoir plusieurs activités, de passer beaucoup de temps avec mes enfants, d'avoir une activité artistique assez développée, et de pouvoir donner aussi du temps à des activités de plus bénévoles, vraiment de service à la personne. Ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir avoir une activité plurielle. Et non pas uniquement focalisé sur un seul domaine. Oh, qu'est-ce qu'on est bien en 2030 glorieuse avec toi, Léo. On y va, ça on bien, attend quoi hein. Les gens qui se disent la même chose que moi, j'en suis sûr, là, elles ont envie, toutes ces personnes, d'avoir le pas supplémentaire depuis les 2024 pour les faire advenir, c'est 2030 glorieuse. Donc si tu as une recommandation, une perche à leur tendre, tu leur recommandes quoi là pour les faire advenir sans attendre? Allez, viens, on n'attend pas 2030 glorieuse, on s'y met tout de suite. Par quoi on continue? Moi, je dirais qu'il y a un super groupement, un super mouvement, qui est né il y a maintenant 3 ans, qui s'appelle les Licornes avec 2 O, et que vraiment avec ça on a la possibilité d'être dans un condensé de ce que pourrait être la vie en 2030, parce que en fait on a accès à tout un tas de services coopératifs, travailler dans la sobriété dans pas mal de domaines de la vie courante, que ce soit l'alimentation, la mobilité, la banque avec la NEF, tout ce qui va toucher autour du numérique responsable, du e-commerce, etc. Et là, vous avez vraiment un condensé de ce que sera le monde en fait en 2030, de ce que vous pourrez réellement faire, et vous y avez déjà accès aujourd'hui. Merci Léo. Merci à toi Julien. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous jusqu'au bout. Si vous voulez continuer à explorer les utopies vivantes, je vous invite à vous rendre sur 2030glorieuse.org pour découvrir la galaxie des 2030 glorieuses. Bien sûr, vous pouvez continuer à écouter ce podcast, mais aussi vous procurer mes livres sur le sujet et surtout vous inscrire à un prochain atelier utopiste collectif pour voyager en 2030 glorieuse à côté de chez vous. Salut !